on va parler avec notre ami Benoît Lavoie d'Espace Soccer. Grosse, grosse victoire du Canada hier contre les contre le Honduras au Honduras. Salut Benoît. Salut Dan, Radio Sport. Salut Danny. La voix du soccer, la référence soccer au Saint-Jean. Benoît, grosse, grosse victoire hier au Honduras. Écoute, le Honduras qui sont derniers du groupe. Donc, mais tu sais, aller jouer en Amérique centrale, c'est jamais facile. Je redoutais ce match-là. Compte tenu d'Alfonso Davis. Moi, dans ce groupe-là, je disais deux victoires, deux nuls, une défaite, ce serait bien correct. Donc, Écoute, c'est trois matchs, Danny, hein? Trois matchs, trois points par match. Si on s'en sort avec. Si on irait avec sept points, ce serait vraiment incroyable. Deux victoires, une nulle. Bon, là, on a une de gagner, on a trois points en banque. Ensuite de ça, ça sera pas évident parce que contre les Américains, il faut savoir que les Américains ont une très belle sélection, même si hier, ils n'ont remporté que 1-0 contre le Salvador, il faut savoir ça. C'est pas facile, hein? Il n'y a aucun match facile. Même si tu regardes le classement, tu dis « Ah, l'Honduras est dernier. » Excuse-moi, mais on avait annulé lors du match aller au Canada. Et là, hier, il faut quand même souligner l'excellent travail du portier canadien, là, Borjan, là. Qui a fait des arrêts incroyables. Il a sauvé le match à 2-3 reprises. C'est plusieurs fois qu'il commence à sauver des matchs, celui-là. Là. Rappelle-toi, contre le Mexique, il l'a sauvé. Oui, exactement. Oui, Borjan, moi, je dirais le joueur du match hier. Il garde où, Borjan? Hein? Il joue avec l'Étoile de Belgrade. Il joue dans un championnat quand même intéressant à l'extérieur. Donc, à Belgrade. C'est un gars qui pourrait être dans la MLS. Il est calé pour la MLS, sûrement. Ben, il joue dans un gros club, là quand même. L'Étoile Rouge de Belgrade, c'est un excellent club, là, très reconnu sur la planète foot. Là. Mais ce que j'entends dire, c'est que on dirait que ça achève avec son club, justement à Belgrade. Et je crois qu'il vise peut-être à s'en venir. En URSS, dans la MLS. Je crois qu'il s'en vient dans la MLS. Là. On sait que la Belgrade, c'est un championnat en Serbie, donc à voir, championnat de Serbie. Et c'est une équipe qui est en première position de son championnat. Ils sont en deuxième position devant le Partizan de Belgrade. Il y a deux clubs là-bas, deux gros clubs, l'Étoile Rouge et le Partizan de Belgrade. On joue des fois la Ligue des champions. Alors, moi, je pense qu'il va s'en venir à MLS. Est-ce qu'il pourrait se retrouver avec Montréal avec deux jeunes comme Pantémis et... Peut-être Toronto. À Toronto, c'est bien. Mais présentement, Toronto fait du gros travail. Tu parles de Toronto avec la signature d'Insigné. On a annoncé que probablement le retour de la fourmi atomique, là, comment il s'appelle, son nom m'échappe. Il était l'Italien. La fourmi atomique, Danny, ça te dit rien, tu te souviens non. pas de son nom. Je vais aller chercher le goaler de Toronto. Je vais aller chercher de moi une seconde, là, fait que parle. Le retour de Néon. En tout cas, on dit qu'il va revenir avec Toronto. Donc, est-ce que Toronto pourra aller chercher un gars comme Borjan, peut-être, à voir. Alex Bono, ça se peut-tu? Non, c'est pas lui. Écoute, il jouait avec Toronto avant, là. C'est un excellent joueur. Il marquait des buts à profusion. Montréal avait beaucoup de difficultés. Jovinko. Sébastien Jovinko. Oui, il est revenu, Jovinko. Il parle de revenir. Ouais. Mais si on revient sur le match d'hier, Danny, victoire de 2-0, le Canada a pris les devants en début de match sur un super jeu de Buchanan à l'aile droite, c'est-à-dire. Il a déjoué le défenseur hondurien avec une feinte. Et par la suite, il a centré vers le but. Et c'est C'est le joueur, le défenseur du Honduras qui a fait une tête dans son but contre son camp, mais ça aurait pu être dangereux pour marquer. Donc, ça a ouvert le pointage rapidement dans le match. Ça a permis au Canada de respirer. Et par la suite, de gros arrêts de Borjan, comme on a mentionné, et un super but de Jonathan David. Là. Il a eu deux bonnes chances de marquer David, mais la deuxième, il ne l'a pas manqué. Un beau contrôle, une super passe, super contrôle. Si les gens regardent les highlights, très intéressant. Et il l'a mis dedans tout de suite. On voit que c'est un fin marqueur. Donc, c'est pas pour rien que sa valeur marchande est rendue assez haute, ce joueur-là, David. Donc, c'est un joueur important pour l'équipe canadienne. Donc, le Canada, à travers ça, Danny, se retrouve en première place. Il faut savoir que, Danny, c'était le 26e match entre le Canada et l'Honduras. Juste pour parler un peu de choses. C'était où, Honduras, qui s'était passé en 2010, à des confitures? C'était bel et bien là. La déconfiture de 8-1, Danny, c'était le 16 octobre 2012. J'ai la statistique devant moi ici. Contre l'Honduras, hein, c'est avec les... c'est que ça a changé 8-1, 8-1 que le Canada, et c'était des matchs importants pour la qualification de la Coupe du monde dans ce moment-là. La Coupe en 2014 qui était au Brésil. Le Canada jouait quand même bien. Il faut savoir à ce moment-là qui étaient les joueurs du Canada. On connaît un petit peu moins les joueurs. André Henault, qui était un Québécois, qui jouait avec cette équipe. Joanne de Guzman, qui a partagé une vidéo cette semaine disant qu'aller jouer en Amérique centrale, c'était très difficile. Altibar Chuson, qui joue avec le Canada présentement, était un milieu de terrain à ce moment-là. Donc, intéressant. Patrice Bernier était là dans l'équipe nationale, mais il n'était pas sur le jeu à ce moment-là. Il n'a pas joué. Il est resté sur le banc. Mais c'était une déconfiture de 8-1. Donc, on va se rappeler de ce moment-là. Et là, ben, comme je te disais, 26e affrontement entre les deux sélections. Les Honduriens ont 11 victoires contre 8 pour le Canada. Le premier match Honduras-Canada, Danny, c'était en 1980. C'était un match amical international. Une victoire du Honduras 2-0. Donc, très intéressant de voir la suite de tout ça. Et contre les Américains, ça ne sera pas facile. Et après ça, on s'en va, on retourne au Salvador. Donc, une drôle d'horaire pour l'équipe canadienne, là, quand même, là, de jouer trois matchs, là. Honduras, Hamilton. Ben, moi, je trouve ça spécial, là. On en a parlé, là. Je trouve ça très, très spécial tu reviens, tu joues à Hamilton. Après ça, tu joues au Salvador. T'aurais dû jouer au Salvador pour finir au Canada, tant qu'à ça, là. Ben, écoute, c'est la CONCACAF. Il y a toujours des histoires spéciales, la CONCACAF. Ce qu'il faut savoir, Danny, c'est que depuis hier, c'est le temps que ça arrive, là. Écoute, caméra vidéo? On est rendu au tour final. On est rendu déjà au septième match. Et oui, la VAR fait maintenant partie des matchs de la CONCACAF. C'est le temps que ça se devient. La VAR, c'est quoi? C'est la reprise vidéo, c'est ça? Oui, la VAR, c'est la reprise vidéo. Mais on s'entend, okay. Danny, c'est le temps que ça arrive, là. Hier, donc, les matchs. Le Mexique a tiré de l'arrière 1-0. Ils sont allés chercher deux buts en fin de match sur la 82e et 83e. Oui. Donc, le Mexique, victoire de 2-1. Les États-Unis, juste 1-0, hein, contre le Salvador. Et le Costa Rica. C'était aux États-Unis, le match, en passant. Hein? Oui, le match à Columbus hier. Okay. Et il faut savoir qu'aussi, un autre match important, un résultat important pour le Canada, parce que le Panama est quatrième. Et dans le classement, quand on regarde le classement, on voit que le Panama peut être dangereux. Alors, présentement, le Panama a subi une défaite hier de 1-0 contre le Costa Rica. Donc, avec 9 matchs de jouer, il va rester 5 matchs à disputer encore, Danny. Le Canada est en tête. Et comme tu le mentionnais, au début, avant notre entretien, que de finir première position, quand va arriver le temps des tirages au sort, ça va être important si le Canada garde sa première position de la CONCACAF, mais on n'est pas rendu là. Là, ce qu'on vit, c'est les trois premières places. Quand tu regardes le classement, Canada 19 points, États-Unis 18, Mexique 17. Et là, le Panama, avec cette défaite d'hier, ben, décale un peu, 14 points. Donc, c'est bon pour l'équipe nationale canadienne. Chaque point qui va être remporté va être bon pour le Qatar 2022. Moi, je crois. Et une autre question que je me pose, Danny, c'est que hier, la déception, c'est que Samuel Piette est dans le 11 partant. A été blessé, a eu un coup assez solide sur la cheville. J'ai hâte de voir si on va le revoir dans les deux prochains matchs. Est-ce que c'est une blessure qui peut lui faire manquer aussi le début de saison avec le CF Montréal dans le match aller-retour contre le Santos Laguna? J'espère que non, parce qu'on a besoin de Samuel Piette. Samuel Piette n'est pas le gars offensif qui va aller marquer des buts, mais c'est le gars qui distribue bien la balle, fait des belles relances, et que moi, j'aime bien quand Samuel Piette est sur le 11 partant. Soit que ce soit avec Montréal ou que ce soit avec l'équipe nationale canadienne. Hier, donc, il avait bien commencé le match. Moi, la question que j'ai, Danny, je vais faire des fouilles là-dessus. Tu sais que si le Canada se qualifie pour le Qatar, ce sera la deuxième présence dans l'histoire de la Coupe du Monde. 86. On l'avait. 1986, Danny, rappelle-toi, on a déjà eu une petite discussion avec notre ami Francis Millien, qui disait qu'en 86, le Canada s'était qualifié avec beaucoup d'honneur et puis tout ça. Moi, mais j'étais une équipe. Il était juste content d'être là. Là, ça va être. Oui. Là, c'est. On a des chances, Danny, même de gagner un match. C'est très légitime. Moi, hein, dépendant du tableau qu'on va être, là. On n'ira pas juste ça comme figurant, là. Ben, c'est ça que je disais en contrepartie. L'année, en 1986, Danny, pour rappeler que la Coupe était au Mexique. Moi, je l'ai dit à M. Millien, puis il a dit non. Ben, t'as peu. Le Mexique n'était pas dans les qualifications. Quelle est la meilleure équipe de la CONCACAF dans l'histoire? C'est le Mexique, suivi des États-Unis. Mais c'est le Mexique qui a la meilleure fiche dans toute l'histoire. Tu sais? Fait que c'est quand même. C'est en 86, la Coupe était au Mexique. Donc, le Mexique n'était pas dans les qualifications. Ouais. Moi, la question que j'ai d'Annie que j'aimerais savoir, est-ce que. Je pense qu'en 86, il n'y avait aucun Québécois dans l'équipe nationale. Donc, si on se classe, Piette et Crépeau pourraient être les deux premiers Québécois. Puis il y a aussi peut-être Pantémis qui sera peut-être troisième gardien là, à voir. Peut-être qu'on sera nos deux premiers Québécois dans toute l'histoire à participer à une finale de Coupe du Monde, à la phase finale de Coupe du Monde. Ça serait quand même. Je sais que les gars doivent le savoir par en arrière. Il y a des gars comme Bernier. Tantôt, je t'ai nommé Hainaut, Olivier Océan, c'est des Québécois, ça, dans l'histoire, qui ont fait des qualifications Coupe du Monde, mais ils ne se sont jamais rendus à une phase finale. Donc, ce sera une belle histoire, ça, pour Samuel Piette. Et Samuel Piette a du temps de jeu, donc, très intéressant à voir. Et Crépeau, ben, veut pas. C'est la suite, là, pour le futur de. Il vient de se faire échanger aussi, là. On va essayer de le relancer quand va venir le temps de. Quelqu'un qui va être avec l'FC de Los Angeles, là, parce qu'il a été échangé pour 1 million de dollars en passant. Un record pour les gardiens MLS, Danny. Ouais. Donc, Danny, le prochain match, donc dimanche. Comment tu vois ça contre les États-Unis? Ça sera pas facile, Danny. Il va rien avoir de facile parce que les Américains. Ils sont habitués à jouer dans le froid aussi, là. Ouais, il n'y a pas de problème, les Américains, mais c'est sûr que là, c'est à Hamilton. Le lieu, c'est l'équipe des Forges de Hamilton, une équipe de la CPL League. Ça sera pas facile parce qu'on regarde l'alignement des Américains, les gros joueurs sont pas mal tous là. Tu sais, Danny, là, quand tu regardes les joueurs qui viennent du Canada qui jouent à MLS, ils n'ont pas joué de match encore, eux autres. Ils sont pas en shape nécessairement. Là. Alors que les gars qui jouent en Europe et puis tout ça sont déjà dans les championnats, sont déjà engagés. Donc, il y a une différence. Et ça paraissait un peu hier de voir là, les joueurs en MLS, quoique les gars sont en camp d'entraînement et tout ça. Mais contre les Américains, ça sera pas facile à voir le résultat de tout ça. J'ai bien hâte de voir si on est capable d'aller chercher nul. Parce qu'à la grosse équipe, on a joué nos deux matchs contre le Mexique. Ouais. Là, le match contre les ça Américains. Ça va pas mal être réglé par après. Quoi que le Salvador, après ça, c'est mardi contre le Salvador, au Salvador encore. En tout cas, c'est spécial. Le Salvador, Danny, ça va avoir lieu mercredi, je crois. Mais contre les Américains, Danny, petit fait d'histoire encore. C'est encore une recherche que je veux faire. Le premier match entre la sélection américaine et la sélection canadienne aurait eu lieu en novembre 1885. Alors, une victoire du Canada 1-0 contre les Américains. Hey, ça fait du temps, ça, là, Danny. Je vais fouiller un peu cette histoire-là. C'est quand même intéressant de voir ça. Donc, à date, là, dans les résultats américains et Canada, les Américains ont 18 victoires contre 11 pour le Canada. Il y a eu 11 matchs nuls, donc. Et quand on parle de matchs de sélection, bon, ben, il y a des qualifications de la Coupe du Monde, il y a des matchs amicaux, il y a des matchs de la Gold Cup, des matchs de qualification. Ce qui est décevant, Danny, c'est que probablement que l'équipe nationale canadienne ne viendra disputer aucun match à Montréal. Ben, ça, je trouve que c'est une honte. Ben oui. Ça va jouer probablement en Ontario et à BC, à Vancouver. Et ça a un lien directement avec. Ça, t'en parleras parce que tu voulais faire une table ronde avec Jérémy Filosa la semaine prochaine. Pour voir. Puis Filosa vient de me répondre, donc ça devrait marcher. Là. Fait que. C'est en lien directement aussi avec ce qui s'est passé avec l'histoire des. L'histoire de qu'on ne renouvera pas pour qu'on a abandonné le projet du stade, pour abandonner le projet aussi d'avoir une équipe, d'avoir des matchs de Coupe du Monde. C'est incroyable, Danny. Ah non, mais quand c'est le temps de sport, là, c'est tout ça. Hein. Tu sais, je veux dire, Danny, c'était trois matchs. Oui, c'était pas beaucoup, mais comme M. Millien nous a mentionné en table ronde qu'on a fait cet été dernier, il disait il y a du deal à faire avec la FIFA. On aurait été capable. On a juste dit ils ont trop des la FIFA a trop des grosses exigences, on arrête le dossier, on bloque ça. Alors qu'il n'y a eu aucune discussion, il n'y a rien qui s'est fait entre la FIFA et les organisations, la ville ou. Je trouve que Québec n'a pas été fort là-dedans non plus. Le gouvernement n'a pas fort non plus là-dedans. On a vu ce qui s'est passé avec le hockey là, avant les fêtes un peu. On a essayé de détourner l'attention en mettant des ministres pour avoir une équipe à Québec. C'est la Coupe du monde de soccer. Le soccer encore là. Hier, le match était à RDS Info. Ouais. Info, on ne l'a même pas en HD, je pense. Info, je ne l'ai même pas en HD. Hier, pourquoi on n'a pas mis RDS 2, le match de foot Canada? Encore une game américaine de hockey par rapport. Un break. Prenez un break un peu. Canadien, une équipe de chenoute. Ouais, ouais. Parlons maintenant de je vais te parler de l'Uruguay pour finir. L'Uruguay qui est une des puissances, sont même menacés de perdre. Depuis 2006, ils sont à la Coupe du Monde. Ils seraient menacés pour faire la Coupe du Monde. T'as-tu vu ça? Tu parles de l'Uruguay? Ouais. Oui, ben c'était écoute, quand même, c'était quand même une bonne puissance, ça. Ben, l'Uruguay, écoute, il faut savoir que l'Uruguay avait deux gros joueurs hein, dans les dernières années, Cavani et Suarez. Bon, les gars commencent à être vieillissants. OK, les gars commencent à être c'est un petit peu vieillissant, là, sont en fin de cycle un peu. Suarez est rendu à 34-35 ans. Mais écoute, l'Uruguay, quand même, Danny, même si tu dis que c'est pas facile, présentement, l'Uruguay est en quatrième place, OK, dans le classement. Donc, c'est très serré. Et en Amérique du Sud, on va aller chercher les quatre premières positions vont aller au Qatar. La cinquième va aller dans un barrage contre un autre continent. Donc, présentement, là, quand tu regardes le classement, c'est vrai que l'Uruguay a de la difficulté. Là. Mais, tu vois, je pensais qu'ils étaient cinquième, mais ils sont plus loin que ça. Avec 15 matchs, si je vois là, Danny, l'Uruguay, ils ont remporté, ils ont joué hier. Donc, le classement n'est pas à jour nécessairement. Ils sont quand même en quatrième place. Je trouve que la Colombie joue aujourd'hui contre le Pérou. Ça va être un match important. Mais c'est ça, comme je te dis, Cavani est en fin de cycle Suarez, donc ça dépend de ces deux joueurs-là beaucoup. Ils ont quand même beaucoup de joueurs qui jouent en Europe. Là, il faut savoir que le Brésil et l'Argentine sont déjà qualifiés d'office. L'Argentine, Messi n'est pas descendu. Une victoire hier de l'Argentine contre le Chili, une grosse victoire. Le Chili a une belle sélection aussi, ouais. Victoire de 2-1. C'est très relevé en Amérique du Sud. Là, présentement, c'est le Brésil et l'Argentine qui dominent. L'Équateur est troisième avec un peu d'avance sur l'Uruguay. Donc, c'est très serré. Ça va se battre. Là. Il reste trois matchs là, à peu près pour chaque sélection. Donc, comme je te dis, les quatre premiers sortent. Le cinquième s'en va en barrage contre un autre continent. OK. Dernier point, la CAN. Qu'est-ce qui se passe? Il y a eu des décès. Écoute, c'est en Afrique. Là. Mais quoi qu'en Afrique, c'est moins fort. C'est moins malade qu'en Amérique du Sud. Mais c'est quand même assez spécial. Qu'est-ce qui s'est passé, hein? Danny, tu dis que c'est moins malade. Je ne sais pas si c'est moins malade. Quand tu dis que, tout d'abord, c'était un huitième de Cameroun, je pense, ouais. C'était le Cameroun, parce que c'est l'organisation. C'est au Cameroun, la Coupe. On jouait un match contre les Comores. Les Comores, c'est comme une petite nation, ça, qui cause une surprise. Un peu comme les encore plus petits. Rappelle-toi des Islandais à l'Euro, ou la Coupe du Monde, qui avaient fait des belles performances. Ouais. C'est une petite nation. Et c'est des îles, je crois, de l'océan Indien, je crois. Là. Donc, les Comores, ils participent à la CAN. Et le stade, les portes du stade n'ont pas ouvert. Et qu'est-ce qui est arrivé? Il y a eu de la bousculade, il y a eu du piétinement et il y a eu 8 morts. Plusieurs blessés, il y a eu 8 morts. Comment ça se fait que l'organisation n'a pas dit « on reporte le match ». Moi, je n'en reviens pas là, qu'il y ait des morts et que le match se joue. C'est quand même pas évident. Là. La décision n'est pas évidente à prendre. Mais quand tu es rendu que tu as des morts, quand tu dis que... Je t'arrête ça puis c'est pas long, hein? Quand tu dis, Danny, quand tu dis que c'est fou en Amérique du Sud, ben c'est fou en Afrique aussi. Mais demain, samedi le 29, les quarts de finale, la Tunisie contre le Burkina Faso, le Cameroun, le pays hôte contre la Gambie. Et dimanche, on va avoir deux bons matchs aussi. L'Égypte contre le Maroc. L'Égypte qui a Mohamed Salah là, qui joue avec Liverpool. C'est le gros attaquant. Et de l'autre côté, dimanche, le dernier quart de finale, le Sénégal avec Sadio Mané qui joue avec Liverpool. Les deux gros attaquants de Liverpool sont là à la Coupe. Et contre la Guinée équatoriale, donc les quarts de finale, et la finale aura lieu la semaine prochaine. Donc, moi, je verrais une finale là, entre l'Égypte et le Sénégal. Je ne sais pas s'ils sont du même côté. Le Cameroun va être dur à battre aussi par rapport justement là, que c'est la coupe est chez eux. Mais la tâche d'avoir des morts comme ça, c'est une grosse tâche là, pour le pays organisateur. Là. Qu'est-ce qu'on fait, Danny? Je te pose la question. On a 8 morts, on a des décès, on a des blessés. Match, est-ce qu'on fait le match quand même ou on le reporte quelques jours? T'as annulé ça puis tu refais quelques jours. Là. Ben, c'est ça. Ouais. C'est ça la drôle de question là, qu'il faut se poser. Donc, avoir le champion de la CAN 2022, avoir la suite dans tout ça. Là. OK. Donc, Benoît, on s'en reparle la semaine prochaine après les 3 matchs. On va demander... Philo devrait participer. Il m'a répondu, Jérémy Filosa. Et donc, de IMC Radio et également du 98.5. Merci beaucoup, on s'en parle bientôt. Yes, salut Danny, bonne journée. Voilà, donc notre ami Benoît Lavoie d'EspaceSoccer.com, la référence au 5-5.